L'expédition s'est déroulée au large des côtes méditerranéennes, mais elle a transporté le plongeur naturaliste Laurent Balesta et ses trois coéquipiers dans un monde totalement à part. En juillet dernier, pendant 28 jours, les quatre hommes ont séjourné à bord d'une capsule exiguë dans laquelle l'atmosphère était essentiellement composée d'hélium à une pression 13 fois supérieure à la pression habituelle. Objectif de cette expédition inédite, baptisée Gombessa 5, pouvoir réaliser pendant de longues heures des plongées jusqu'à 120 mètres sous la surface, sans avoir besoin d'effectuer d'interminables paliers de décompression. Depuis leur station batiale, comme ils l'ont baptisée, les plongeurs transformés en océanautes ont ainsi pu, sans contrainte de temps, explorer des fonds marins vierges de toute observation et étudier des écosystèmes encore très mal connus. Comment se sont déroulées ces longues plongées en eau profonde et comment les explorateurs ont-ils vécu le confinement et la promiscuité à bord de leur station? C'est ce que nous allons découvrir pour notre première. Laurent Balesta vient faire souffler un vent d'hélium dans nos synapses. France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Salut. Alors, ça fait deux semaines qu'on est dans le caisson, qu'on vit ensemble, qu'on plonge ensemble, qu'on travaille ensemble. En fait, c'est long, hein. Deux semaines dans une petite boîte comme ça. Il y a des moments où ça se passe bien, il y a des moments où c'est quand même pénible. Heureusement que on est enfermé ici avec des copains, mais c'est long. Mais sinon, grâce à ça, on fait des plongées comme ça s'est jamais fait auparavant, et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie. Heureusement qu'on a cette porte qui s'ouvre tous les jours sur les fonds et qui est un peu notre cour de récréation. On a vu les secrets de la Méditerranée, on a vu une diversité de paysages sous-marins déjà là depuis qu'on est parti, c'est incroyable. On a pu aussi mettre en place pas mal de manips scientifiques, donc c'est très positif. On n'en est qu'à la moitié, on a envie de continuer, on a envie de découvrir encore beaucoup d'autres choses. Et je crois que c'est bien parti pour. Les voix de vos trois compagnons d'aventure, Laurent Balesta, Thibaut Roby, Yannick Gentil, Antonin Guilbert. Nous étions mi-juillet. Cela faisait 14 jours que vous étiez tous les quatre enfermés dans cette capsule vraiment pas grande. On entend dans leur récit toute la dualité de cette expédition. La difficulté du confinement, de la promiscuité et puis le bonheur de ces observations de longue durée que vous avez pu effectuer au fond de la mer Méditerranée. Ouais, le fait de les entendre là à nouveau, ça me fait... C'est marrant parce que d'habitude, quand on s'entend avec cette voix de canard, c'est plutôt marrant, quoi. Là, ça nous fait marrer. Et là, ça m'arrache presque les larmes aux yeux de les entendre à nouveau. Ouais. C'est fort ce que vous avez vécu pendant ces 28 jours. Ouais, c'était vraiment fort. On est parti loin et on revenait pas. C'est ça. On est des plongeurs, alors on est des sortes de sprinteurs. Nous, on va sous l'eau le plus vite possible, chaque minute compte, et vite on revient à la surface. Alors évidemment, on a ces paliers interminables, mais c'est, on est tout le temps dans l'urgence, et c'est la première fois qu'on ne l'est pas. C'est la première fois qu'on est à 120 mètres de fond et que je ne suis pas obligé de compter les minutes, que je compte les heures qui passent plutôt. Alors ça c'était vraiment... Je sais même pas comment on va plonger maintenant, en vérité. Ouais. Parce que ça nous a ouvert une telle perspective, de telles possibilités, que on se demandait ça d'ailleurs avec les copains. Et maintenant, s'il faut à nouveau faire des plongées traditionnelles, ouais. Là, c'est 10 minutes au fond, 3 heures de palier, comment on va... Il faut bien comprendre ce qu'elle n'avait de pas traditionnel, oui. Ces plongées. Alors vous étiez pendant 28 jours enfermé dans cette station batiale, comme vous l'appelez. Bah oui, mais ça sonne comme spatial, alors moi, du coup, je m'y crois. Tu vois. Alors du coup, ça me plaît. Mais alors, elle ressemble à quoi, cette station? Alors il faut bien comprendre qu'il y a trois modules, d'accord? Trois modules distincts. D'abord, le module de vie. Il est en surface. Beaucoup de gens croient qu'on était dans une maison sous la mer ou dans un sous-marin. Non, le module de vie, il est en surface. Il flottait sur une barge. Voilà. Il est en surface, il fait 5 mètres carrés, donc c'est sûr que c'est pas grand. Il y a 4 bannettes pour que l'on dorme chacun. On a une espèce de minuscule hublot de 4 cm de diamètre, c'est quand même pas lourd. Et puis une petite table devant laquelle il y a un sas avec lequel on peut faire rentrer et sortir la nourriture. Voilà, ça c'est le module de vie. Mais vous ne pouvez pas en sortir à la pression du fond. Ouais. On est à la pression des 120 mètres, c'est-à-dire 13 bars, c'est-à-dire 13 fois la pression atmosphérique. Et donc, on est exactement à la pression qui est à 120 mètres de profondeur. Vous simulez le fait d'être au fond de la exactement, mer. Mais on trompe son corps, en fait, ouais. en faisant ça. Donc ensuite, il y a le module sanitaire qui, lui, est collé donc à ce module vie. On y passe à travers une petite étroiture. Ça, c'est les sanitaires, donc toilettes, douches. C'est aussi notre vestiaire. C'est là qu'on va s'habiller avec énormément d'épaisseur de polaire. On s'équipait comme pour l'Antarctique, tellement l'hélium accentue le refroidissement du corps. On doit être habillé comme dans de l'eau polaire. Et ensuite, on passe dans le troisième module, qui est la tourelle ascenseur. C'est le seul module qui est mobile. Lui, il va véritablement quitter la surface et descendre le long d'un câble pour atteindre la zone à explorer. Et quand on arrive à cette profondeur d'exploration, donc 120 mètres au maximum, et ben là, la porte, elle s'ouvre toute seule d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, la pression est la même dedans, dehors. La porte, elle s'ouvre toute seule, on l'ouvre d'un doigt. Et là, on sort à l'extérieur. C'est pas encore fini, parce que la tourelle, et de toute façon, toute la station est tellement petite qu'on peut pas avoir nos équipements de plongée avec nous. Donc on sort juste en combinaison. C'est assez brutal comme sortie, et il y a une précarité qui est assez angoissante, parce qu'il va falloir aller s'équiper sous l'eau. Sous la tourelle, nous attendent dans un panier nos scaphandres, nos palmes, nos instruments scientifiques, nos instruments de prise de vue. Que l'équipe vous a préparé. Que l'équipe surface, 30 personnes en surface, nous a préparé. Et là, on s'équipe, il faut encore pas mal de minutes, parce que c'est laborieux, parce qu'on a l'impression d'être à nouveau des plongeurs débutants. Parce qu'autant on connaît bien notre matériel sur Terre, s'équiper sur un Zodiac, c'est même un cérémonial qui te met en situation, qui te met en confiance. Autant là, quand tu ne trouves plus la boucle, le mousqueton, parce que tout ça flotte en pleine eau, parce que tu es un peu dans l'obscurité, ça rajoute encore au stress. Voilà. Et puis après, on part. Une fois qu'on est équipé, on quitte la station. C'est une angoisse aussi, parce que on n'est pas comme les scaphandriers des plateformes pétrolières, les premiers à utiliser ce genre de système. Eux, en général, sont reliés à la tourelle par un ombilical qui les alimente en gaz, en électricité, en eau chaude. Et donc, il y a ce fil à la patte qui est quand même aussi une grande sécurité. Et moi, je voulais pas ça. C'est ça, liberté. C'est ce qui est innovant dans l'expédition que vous avez menée, c'est que vous avez combiné deux techniques de plongée, celle des scaphandriers pour les plateformes pétrolières et celle de la plongée d'exploration que vous pratiquez depuis tant d'années. La plongée autonome, vraiment autonome, où on part de son propre chef de la surface, on y retourne avec ses petites palmes et on doit tout contrôler, tout gérer, de la décompression, du gaz que l'on respire, de son orientation, tout ça. C'est pas le cas des plongeurs scaphandriers. C'est pour ça que c'était deux familles de plongeurs très difficiles à concilier. Et l'intérêt de concilier ces deux techniques, c'était de pouvoir s'offrir au fond de la mer Méditerranée pendant un mois des plongées qui, pour certaines, ont duré 3 heures le matin, et on y retourne 3 heures l'après-midi. Même 4 heures parfois. En vérité, ça aurait pu être plus long. Malheureusement, nous souffrions trop du froid. C'est la seule contrainte qui a fait qu'on n'a pas fait des sorties de 5, 6 heures, 7 heures même. C'était une surprise, ça, parce que la mer Méditerranée... À ce point, c'était une surprise. Ouais, c'est ça. Vous étiez saisi par le froid quand vous sortiez de votre capsule. Et c'est difficile à comprendre pour... Les gens ne comprennent pas quand je leur dis qu'on a eu tellement froid. Ils me disent, mais l'eau, elle est à 14 degrés. C'est pas non plus... Vous avez fait l'Antarctique. Voilà. Eh ben, on a eu plus froid qu'en Antarctique. Pour une bonne et simple raison, qui est peut-être pas... C'est qu'on respire de l'hélium. Et l'hélium, c'est pas un gaz isolant comme l'air. C'est un gaz conducteur, au contraire. Pour faire une image, il faudrait dire, voilà, on rentre dans une pièce, il fait très très froid dans cette pièce, une maison qui n'a pas été chauffée, il y a du parquet, il y a du carrelage au sol. On marche sur le parquet, ça va, même pieds nus. On marche sur le carrelage, on se gèle les pieds. Eh ben, respirer de l'air ou respirer de l'hélium, c'est pareil. Ils ont beau être à la même température, ça n'a pas du tout le même effet sur l'organisme. Et donc, on se vide de sa chaleur par la respiration. Alors, on peut mettre toutes les épaisseurs de vêtements. On avait quand même un vêtement chauffant électrique, 3 épaisseurs de laine polaire, ensuite les combinaisons étanches. Et malgré tout, on se vidait de notre chaleur par la respiration. Alors, c'était ça notre contrainte qui faisait que, en vérité, au bout d'une heure et demie, on commençait à être franchement glacé. Frigorifié, et par envie, par soif de découvrir, parfois peut-être par fierté ou on va dire peut-être par devoir aussi, quand même il y a tous ces gens qui nous aident en surface, il y a tout ce qu'on a déployé, il faut y aller quoi. Alors on tenait comme ça jusqu'à 3 heures, 4 heures, on rentrait à la station totalement morts de froid. Mmh. On récupérait autant qu'on pouvait, on mangeait, on essayait de faire une petite sieste. Nous, on n'avait que ça à faire. C'était aussi ça l'avantage. On ne peut pas s'occuper de nos équipements du tout. C'est l'équipe de surface. Et tout de suite, la cloche sonnait et on repartait pour 3 heures de plus l'après-midi. Ouais. Alors, à bord de cette station, l'atmosphère était essentiellement composée d'hélium. 97%. Mais pourquoi? Pourquoi tout cet hélium qui vous glaçait le sang quand vous sortiez? Oui, mais parce que malheureusement, on y est contraint. Parce que ça a des avantages quand même, cet hélium. Ça a deux avantages principaux. D'abord, c'est un gaz qui est léger. C'est un gaz qui est très léger, c'est des molécules toutes petites, l'hélium. À part l'hydrogène, il n'y a pas plus léger. Et donc, même quand il est à très grande pression, donc il augmente en densité, il ne va pas fatiguer votre ventilation. Il faut bien comprendre que respirer, c'est un effort musculaire. On ne s'en rend pas compte sur Terre. Mais dès qu'on augmente la pression, je vous assure que de l'air, ça devient visqueux. On respire quelque chose presque comme un liquide. Et donc, on peut très vite, au bout d'un jour ou deux, c'est pas des muscles, les muscles de la cage thoracique, c'est pas des muscles entraînés. On s'épuise à respirer. On s'épuise à respirer. Donc, il faut de l'hélium pour que la ventilation soit souple, soit facile. Première importance de l'hélium. Deuxième importance, c'est un gaz qui n'a aucun effet neurologique. Ça s'appelle comment ton émission? Du vent dans les synapses. Eh ben, l'azote, il a un effet sur les synapses qui est pour certains plongeurs agréable, pour d'autres totalement insupportable. C'est l'ivresse des profondeurs. C'est l'azote qui ajoute sur les synapses des terminaisons nerveuses et qui perturbe tout ça et qui vous met dans un état d'ivresse qui, moi, j'ai toujours bien aimé. Mais enfin, on peut pas travailler sereinement dans ces conditions-là. Et l'hélium élimine cet effet d'ivresse des profondeurs. Donc à partir de là, c'est pour ça qu'on l'utilise. Il a deux inconvénients majeurs. L'un, ma foi, il est juste humiliant, c'est cette voix de canard ridicule qui fait qu'on n'arrive pas à avoir un propos sérieux ou à donner des ordres très vigoureux. Enfin, on est vite ridicule. Ça évite les engueulades aussi. C'est pas possible de s'engueuler avec cette voix-là. Ça, c'est voilà. Et puis l'autre contrainte malheureuse qui est vraiment dure, c'est que c'est un gaz conducteur et qui, quand il fait chaud dans la station, on a l'impression qu'on va brûler de l'intérieur. Ça marche dans les deux sens. Ah ouais, soit on crève de chaud, soit on meurt de froid. Il y a eu quelques fois des petits problèmes de climatisation dans la station. La température est montée à 28 ou 29, on a cru qu'il faisait 50 degrés. C'était suffocant. Et inversement, dès que l'eau est un peu fraîche, on a l'impression qu'on est en Antarctique. Ouais, vous parliez du côté un peu ridicule de la voix de canard que vous donne l'hélium. Alors, vous étiez quand même équipé de micros et de casques audio spéciaux pour parler entre vous. Et c'est vrai que sans ces micros, vous ne vous compreniez pas vraiment. Tout à l'heure, derrière le rocher, on avait la rascasse de l'OPI, je crois. C'est quoi ? La rascasse de l'OPI. C'est quoi ? Attends, je mets le casque, le rascasse de l'OPI. Je crois que derrière le rocher, j'ai vu la rascasse de l'OPI, qui est sur la liste des espèces rares à trouver et dont on n'a pas le génome. Et c'est comme ça. Vous aviez besoin de ces casques micro, vous êtes côte à côte. Sans ça, vous ne vous compreniez pas. Ouais, surtout dans les grandes profondeurs. Sans l'hélium plus la haute pression, ça accélère encore le processus, on ne se comprenait plus du tout. C'était un peu comme quand tu es avec quelqu'un qui parle une langue étrangère que tu comprends qu'à moitié, tu comprends les choses évidentes, et puis après souvent tu souris, hein, juste tu souris et tu comprends rien en fait. Ouais. Voilà. Donc très vite on se parlait plus. Le jeu en valait quand même la chandelle. Alors, on n'a parlé que des contraintes. C'est ça, évidemment, on va parler dans cette émission, mais on va en avoir un petit avant-goût dès maintenant. La sensation, la première fois que la porte de votre tourelle, l'ascenseur qui vous amène au fond, s'ouvre, d'accord, il y a le froid, mais qu'est-ce que vous voyez? Quelle sensation C'est vraiment magique. La première fois, on était au-dessus d'un sable blanc en plus, donc on avait l'impression qu'il y avait une lumière qui venait du fond, c'est quand même pas banal, et on s'est même pas pressé. Ça fait 18 ans que j'attends, la porte s'ouvre et je m'empresse pas, il y a un truc qui est bizarre. Parce que déjà là, il y avait déjà une émotion on était à plus de 80 mètres de fond et je voyais le fond alors que j'avais l'impression d'être encore pas à l'air libre parce que je suis dans l'hélium, mais j'étais pas encore en plongée et je vois le fond. Ah, c'était des sensations. J'ai beau prétendre être un plongeur expérimenté, j'étais dans des sensations de débutant. Quoi. Je découvre tout comme c'est la première fois. Et ça, c'est magique. On sort. Alors effectivement, c'est violent, s'habiller, tout ça, c'est très stressant. Et le premier jour, première plongée profonde, on est un peu stressé. L'eau n'est pas très claire. Du coup, on n'ose pas. Hein, on a tout fait pour plus avoir d'ombilical. Ouais. Mais au moment où il faut lâcher la poignée, la rampe, on n'ose pas, quoi. Bon, bref. Et tant mieux pour nous. juste sous la tourelle, une bonne dizaine de mètres en dessous, je vois des silhouettes bleues que je comprends pas au début parce que c'est grand. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ce sont des calamars, mais pas n'importe quoi, les calamars veinés, une espèce rare qui vit plutôt à grande profondeur et qui en plus nous offre un spectacle unique. Ils sont là en train de s'accoupler, donc on voit le mâle et qui se jette sur la femelle, leurs tentacules qui s'enlacent, ils deviennent tout à coup tout blême, tout blanc, et puis tout à coup la femelle devient écarlate, elle lâche le mâle, elle descend et elle va pondre ses œufs instantanément sous un rocher, et ils recommencent ce spectacle pendant près de 3 heures. C'est, une fois n'est pas coutume, c'est nous qui les quittons. C'est nous qui partons à la fin et ils continuent leur manège. Et ça, c'est le premier jour, première plongée. En fait, dès la première plongée, vous comprenez que ces 28 jours, vous allez en prendre plein les yeux, vous allez Il y a quelques désillusions. Hein. On fait quelques plongées bien foireuses aussi, où c'est on se rate et tout ça, bien sûr. Mais c'est tellement bon de commencer sur une note comme ça, c'est super motivant. Ouais, le plongeur Laurent Balesta nous raconte sa dernière expédition, Gombessa 5, 28 jours dans les profondeurs de la mer Méditerranée, à la découverte d'écosystèmes très mal connu. Ok, ça marche, je peux parler ? Du vent dans les synapses. Ah, on sent bien qu'on a passé les 100 mètres de profondeur parce que malgré le retimbrage de la voix, à nouveau, il y a cette voix de canard qui refait un petit peu son apparition. Voilà, les techniciens vont se mettre aux manettes, ils vont nous régler ça dans les jours qui viennent. Daniel Fievé. Stay up till dawn. Maybe the way that I'm living is killing me. I like to light up the stage with a song, do shit to keep me turned on. But one day I woke up like maybe I'll do it differently. So I moved to California, but it's just a state of mind. It turns out everywhere you go, you take yourself, that's not a lie. Wish that you would hold me or just say that you were mine. It's killing me slowly. Dream a little dream of me. Meet me in a song that's sweet. Turn the radio on, dance into a pop song. I used to shoot up my veins in Fuck it, I love you. C'était Lana Del Rey sur France Inter. Du vent dans les synapses. Aujourd'hui, on plonge pas. Il fait trop mauvais. Mais hier, on a fait, pour compenser, presque deux super plongées. On est passé en tout 6 heures en dessous de 100 mètres et jusqu'à 140 mètres. Avec de beaux résultats dont on parlera plus tard. Des poissons jamais photographiés, c'est pas tous les jours. Mais surtout, ce qui a fait la difficulté de la plongée, c'est que nous étions certes très profonds, mais surtout nous étions très loin de notre tourelle. Parce que le site est tellement escarpé que la tourelle ne pouvait pas être à la verticale du site, on ne pouvait pas poser ses ancres. Donc on était à l'écart, on était à plus de 200 mètres sans doute de la tourelle. C'était ça la difficulté, et du coup, ça ne pouvait se faire qu'en confiance, en connaissance du site, et en étant rassuré par le fait qu'en surface, mine de rien, il y a une sécurité qui veille. Laurent Balesta, vous avez fini par la lâcher, hein, cette tourelle, et même à la perdre de vue totalement. L'impression que vous aviez sous l'eau, pourtant, c'est ce qui est paradoxal. Vous êtes à 100 mètres de la surface, et pourtant, vous évoluez dans un monde à part, différent. On n'est plus sur la même planète. La même planète, mais un autre monde. C'est franchement, j'ai l'impression qu'on touche un peu les fondements de certains principes de la science-fiction, c'est-à-dire les univers parallèles. Ouais. C'est vraiment ça. Quand tu es au fond de la mer, au milieu de ta forêt de corail noir, immaculée, là, toute blanche, que là, au milieu, t'as un Saint-Pierre qui se déplace avec sa bouche protractile qui peut déployer de deux fois la longueur de son corps. Moi, je n'arrive pas à comprendre que je suis au large de Saint-Tropez ou de Cassis ou de. Je suis ailleurs. Mmh. Je suis plus dans des territoires qui portent un nom. Et alors ça rajoute vraiment à la fascination de ces sites, ouais. De savoir que la sensation d'être jamais allé aussi loin et de jamais avoir été aussi près de chez soi. Quoi. C'est ça. Alors ça c'est troublant. Alors peut-être que ça rend pas objectif nos observations, qu'il y a une espèce de chauvinisme ou de je ne sais quoi qui se met en place. Moi je sais que je suis pas objectif avec la Méditerranée. Je l'aime. C'est la mer qui a fait naître ma vocation. Donc je l'aime peut-être de manière pas très objective. Je ne veux voir que sa beauté. Ouais. J'ai négligé. J'ai bien fait attention. Je l'avoue et je l'assume. J'ai bien fait attention d'éviter toutes les zones dévastées. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Les zones de pollution, que ce soit en déchets plastiques, en pollution chimique, en surpêche, en nuisances sonores, en urbanisation. Mais non, moi je suis allé évidemment voir les plus beaux endroits. Tous ces endroits où j'ai eu droit à quelques minutes de privilège, engendrant souvent beaucoup de frustration d'ailleurs, c'est ce qui est paradoxal, pendant ces 20 années de plongée profonde où je ne faisais que des quelques minutes au fond, ouais. J'avais une liste d'une centaine de sites sur lesquels j'avais envie de m'attarder, de retourner, de passer enfin une journée et pas quelques minutes. Et il a fallu choisir, donc on a réduit cette liste à 40, c'était déjà très dur, c'était un sacré... Et puis même 40, on avait que 28 jours, on savait qu'on n'irait pas partout. Mais voilà comment on s'est baladé. Alors Laurent Balesta, justement, vous dites balader, mais ça n'était pas juste de la balade. Vous étiez en lien avec des scientifiques et ça n'était pas juste pour le plaisir des yeux. Mmh. Vous étiez leurs bras, leurs mains, leurs observateurs. Vous aviez toute une liste, ouais, de missions à remplir pour ces scientifiques qui étaient restés en surface. Ouais, ouais. Alors c'est moi, mon moteur qui me fait partir sur ces projets-là, c'est quand même l'envie d'aller faire d'observer des animaux, de faire des illustrations, d'être un artiste photographe. Le moteur, il est là. Mais je trouve que déployer tant de moyens de nos jours, en plus, je serais mal à l'aise de le faire que pour jouer les artistes. C'est très honorable d'être créatif artistiquement, mais ça, voilà, ne suffirait pas. Non, ça suffit pas. On peut pas aller chercher de l'argent public, en plus, en tout cas dans une certaine partie, pour juste aller faire un travail artistique. Il faut qu'il y ait ce travail scientifique. La Méditerranée, mine de rien, avec ma société Andromède, on l'étudie de la manière la plus rigoureuse qui soit depuis bientôt 15 ans. Et donc, il fallait poursuivre ce travail, mais plus profond, avec des temps de plongée qui permettent de mettre en place des protocoles plus complexes. Et là, il y avait plein de labos qui se sont joints à nous pour dire, ben, allez-y, faites ce protocole, faites celui-là. Et on a réalisé toute une série de protocoles très, très, qui paraissait pas possible à une époque à ces profondeurs-là. Par exemple, étudier le métabolisme des récifs de coralligène, c'est-à-dire savoir si ces récifs profonds, est-ce que on peut les considérer comme des puits de carbone ou des sources de carbone. Est-ce que c'est on peut les assimiler à une prairie, à une forêt? Et donc, on sait à quel point de nos jours, tout ce qui est puits de carbone, il faut les préserver. Ou est-ce que ce récif est vraiment récif animal, comme un récif corallien, et donc plutôt producteur de CO2 et consommateur d'oxygène? Ben, c'est des questions où on n'a pas les réponses encore. Pourtant, c'est la Méditerranée, c'est le littoral français. Mmh. Et donc, pour ça, on est allé poser des cloches métaboliques, poser des instruments chimiques qui analysent l'oxygène, le CO2, le méthane. Et puis on va voir les résultats, on verra jusqu'à quelle profondeur on peut les considérer comme un puits et à partir de quand ils sont des sources. Et vous deviez aussi, par exemple, effectuer des prélèvements et les renvoyer en surface aux scientifiques qui étaient là. Donc là, c'est le parachute que nous ont envoyé les plongeurs. Et au bout du parachute, on va avoir les prélèvements. C'est un peu la petite pochette surprise. On leur a passé commande de prélèvements, mais on ne sait pas s'ils ont trouvé toutes les espèces qu'on avait commandées. Donc de l'eau qui vient de moins 77 mètres sous la surface. Donc ils nous ont ramassé du sédiment, donc des gorgones. Donc là, avec tous ces prélèvements, déjà ça nous donne une idée de la diversité en gorgones qu'on a sur le site. Ensuite, ben, pour voir exactement les communautés qui y vivaient, on va pouvoir analyser les vidéos et les photographies qu'ils vont nous remonter. Julie Déterre-Hollon, la responsable scientifique de l'expédition, chercheuse à l'université de Montpellier. Alors, on a l'impression qu'elle est en surface. Ce qu'elle appelle les parachutes, ce sont des sortes de bouées qui remontent avec les échantillons que vous avez collectés avec parcimonie, hein, parce qu'il s'agissait pas évidemment de ratisser le fond. Et on a l'impression qu'ils reçoivent ça un peu comme leur cadeau de Noël. Qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé? Ils découvrent ça. C'est quoi les gorgones? Elle parlait de gorgones. Alors, les gorgones, ce sont ces invertébrés buissonnants de différentes couleurs. Il y en a un grand nombre d'espèces. Il y en a au moins 5 principales en Méditerranée. Et la question qui était posée par les chercheurs, c'est de savoir, ces gorgones qui arrivent à vivre à de grandes profondeurs, on les soupçonne de vivre en symbiose avec des bactéries pour améliorer leur métabolisme. Mais forcément, elles n'ont pas les mêmes métabolismes selon les profondeurs. Et donc, ils voulaient comparer avec des gorgones plus près de la surface et voir s'il y avait des différences dans les symbiontes qu'elles hébergent dans leur tissu. Voilà, il y avait sur les forêts de corail noir, par exemple, il faut imaginer un champ de plusieurs centaines de mètres carrés buissonnant, ça fait 2-3 mètres de haut. Alors, c'est du corail noir, mais c'est tout blanc. C'est le squelette à l'intérieur qui est noir. Et donc, c'est très beau, c'est complètement atypique en Méditerranée parce que ce n'est que très profond. Et il y avait une hypothèse, c'est-à-dire que ces champs immenses sont peut-être qu'un seul individu géant, un clone qui se reproduit comme ça par bourgeonnement. Voilà. Et ça, c'est quelque chose dont on n'avait pas la réponse. On ne l'a pas encore, mais ça ne saurait tarder maintenant. Ouais. On est allé, du coup, bouturer ce champ de corail noir d'une extrémité à l'autre, des petits bouts, pour voir si c'est effectivement le même individu. C'est ce qui frappe hein, quand on suit un peu ces explorations que vous avez menées, c'est qu'on connaît encore très très mal ces écosystèmes. Ben, ils sont difficiles d'accès. Ils sont difficiles d'accès. Ils sont au-delà de 60 mètres, jusqu'à 120 mètres, sur des massifs très escarpés souvent. Et donc, les plongeurs, bon, ben, c'est difficile d'y aller, ou en tout cas, on n'y va pas très longtemps. Et les robots ou les machines, dès qu'on est dans des substrats comme ça, escarpés, c'est très compliqué pour des robots de plonger. Les robots peuvent plonger très longtemps, mais ils n'ont pas la dextérité, ils n'ont pas l'œil d'un plongeur. Vous avez découvert de nouvelles espèces en Méditerranée? Alors, j'ai surtout illustré pour la première fois un grand nombre d'espèces qui n'avaient jamais été photographiées vivantes. Voilà, ça, c'est ça le plus, pour moi, le plus pertinent. Par exemple, pertinent. Quel genre d'espèces? Alors déjà, c'était de l'ordre du quotidien. Hein. Ah oui, c'est ça. C'est pas une au bout de 28 jours, non, c'est presque chaque jour une nouvelle créature qui n'a jamais été photographiée vivante. Certaines, je dois l'avouer, je ne connaissais même pas leur existence. Spécialiste de la Méditerranée, spécialiste de ce qu'on ne peut pas vérifier, c'est facile. C'est une définition des experts de Sylvain Tesson. Voilà. Oui, par exemple, la morue cuivrée, j'ignorais son existence, il faut le reconnaître. C'est un petit gadidé, style cabillaud, mais qui a des reflets de bronze et d'or sur le corps qui sont superbes. C'est la cardine ocellée, une espèce de gros poisson plat comme un turbo à l'envers, avec des ocelles, je connaissais pas. Puis il y a ceux que l'on connaît à travers les livres, Des gravures, des dessins, parfois des photos d'un animal mort récupéré d'un engin de pêche, mais qu'on n'a jamais vu vivant. Et ça, on dit, putain, quand même, les voir un jour, ça serait quelque chose. Et ça aussi, on y a eu droit. Donc, il y a eu le limbert à filament, une espèce de poisson dont le premier rayon de sa nageoire dorsale est un long fouet bleu électrique. Il y a eu le barbier perroquet, qui est un poisson tropical, vraiment. D'ailleurs, il est un témoin du passé tropical de la Méditerranée, mais simplement, il vit au-delà de 110 mètres. Il a beau être extrêmement coloré, il vit de manière très discrète au milieu d'autres poissons colorés eux-mêmes, mais beaucoup plus communs, le barbier commun d'ailleurs. Donc, j'ai cru le voir dans ma carrière, j'ai cru le voir 300 fois, lui, parce que je connaissais des livres et je rêvais de le voir. Ouais, et là, il a fallu ces 28 jours, ces temps illimités à grande profondeur pour croiser sa route et le photographier. Votre expédition était aussi intéressante sur le plan psychologique. Hein. Vos moindres faits et gestes étaient observés. Il y avait 17 caméras dans la station Batiale. Nous allons voir dans la suite de cette émission comment vous, Laurent Balesta, et vos coéquipiers avez vécu le confinement et la promiscuité. Je suis africain, africain du nord au sud. Je suis africain, dedans comme dehors. Je suis africain, je n'ai pas le rythme dans la peau. Je suis africain, un albinos afro. Je suis africain, c'était Rachida sur France Inter. Du vent dans les synapses. La soucoupe plongeante revient d'un monde que le soleil n'éclaire jamais. Notre sous-marin de poche est en forme de disque pour ne s'accrocher nulle part. Des tuyères orientables remplacent l'hélice et le gouvernail. Le poste central de l'opération Précontinent numéro 2 est installé dans la maison principale de notre village sous-marin. C'est une confortable habitation de 5 pièces en forme d'étoile de mer, posée elle aussi à la profondeur de 11 mètres, à proximité du hangar de la soucoupe. Vesely rend la liberté à un perroquet qui vient de la surface après un voyage d'une minute en cocotte. Ce sera un animal témoin et une compagnie. Extrait du film Le Monde sans Soleil, dans lequel le commandant Cousteau raconte son expédition Précontinent 2 menée en 1963 en mer Rouge. Laurent Balesta, en 1963, vous n'étiez pas né, mais vous avez immédiatement reconnu sur les premiers mots du commandant Cousteau, Le Monde sans Soleil. Alors c'est un film qui a reçu l'Oscar du meilleur documentaire en 65. C'est un peu l'inspiration Cousteau. Vous êtes dans la lignée avec votre... Je ne sais pas si c'est pas prétentieux de le dire, mais... J'aspire en tout cas, bien sûr, ouais. Je m'inscris complètement là-dedans. Je sais d'où vient ma vocation, hein. Des films de Cousteau, de le côté très malin qu'a eu Cousteau à l'époque, c'est de montrer autant ses plongeurs et les hommes qui vivent ces aventures que l'aventure elle-même. Mmh. Et donc du coup, tu t'imprègnes. Vous jouiez étant petit au commandant Cousteau. Vous avez écrit une lettre au commandant Cousteau, paraît-il, à 8 ans. Qu'est-ce que vous lui avez raconté ? Après, que je voulais être plongeur sur la Calypso. Ce que je devais faire, et j'ai reçu une réponse. Je suis pas certain que ça soit lui qui l'ait faite, mais en tout cas, sa fondation m'a répondu. C'était signé Jacques-Yves Cousteau, et ça me disait qu'il fallait que je travaille bien à l'école. Je sais pas si vous avez suivi le conseil, en tout cas, vous avez de la suite dans les idées. Alors, vous avez en tête ces trois missions, Précontinent 1, Précontinent 2, Précontinent 3. Précontinent 3, c'était encore plus fou, 1965, deux ans après, et là, il envoie six aquanautes, c'est lui qui invente le terme, vivre trois semaines à 100 mètres de profondeur dans la baie de Villefranche, dans une maison sous la mer, qui a les dessins du vaisseau spatial de Tintin, la fusée célèbre Damier, de la fusée de Tintin, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils le font à l'époque. Et c'est tout ça, et il y a le financement de National Geographic derrière, enfin c'est une énorme aventure, et c'est une maison sous la mer, ils y vivent à six là-dedans. C'est très dur pour eux. Nous, on a l'impression d'avoir essuyé des plâtres, mais en vérité, on a quand même les fruits de tout ce qu'ont fait ces gens-là avant nous pour nous aider. Et eux, c'est vraiment le tout début de la saturation, le tout début de ces maisons sous la mer. Et je sais qu'ils ont vécu... C'était très dur, cette expérience. Ouais. Mais ils l'ont fait. Il n'y a pas eu d'avenir derrière. C'est vrai qu'après ces maisons sous la mer, il n'y a pas eu d'autres maisons sous la mer. Mais c'est un peu normal, c'était une vision un peu romantique des choses. Mmh. Le problème de la plongée profonde, c'est la remontée, donc on remonte plus. Pour plus remonter, on met une maison sous la mer. C'était assez logique, c'était simple, c'était une belle vision romantique. Et malheureusement, ça avait peu d'application, parce que est-ce qu'on offre à un explorateur une maison ? Un explorateur, il veut pas une maison, il veut bouger, il veut se déplacer. Un camping-car à la limite, mais pas une maison. Et c'est peut-être pour ça. Alors après cette vision-là, il y a eu tout de suite la vision beaucoup plus pragmatique des industriels qui ont pigé l'intérêt de la saturation pour envoyer leurs travailleurs, leurs ouvriers au fond, et surtout sur des systèmes mobiles pour pouvoir les déplacer. Restons encore un peu sur Cousteau. Il avait aussi ce point commun avec vous, c'est qu'il savait raconter ses histoires et les raconter en quasi direct. Et pour l'expédition Précontinent 2, donc en 1963, eh bien, il faisait des petites séquences radiophoniques où il racontait au jour le jour. Ah, ça, par contre, je connais pas. Comment se passait l'expédition? Un peu comme vous l'avez fait pour votre expédition. Alors vous, c'était sur Internet, en vidéo. Voilà à quoi ça ressemblait. Le ton n'est pas exactement le même. Le commandant Jacques-Yves Cousteau vous donne des nouvelles du village sous la mer. Journal de bord de la Calypso en mer Rouge. Nous sommes dans la grande pièce de la maison principale, par 10 mètres de fond, au récif de Chabrumi. Dans cette grande pièce, nous sommes assis autour de la table, et nous regardons deux des trois écrans de télévision qui sont allumés. Là, on prend le mercure sur la vague pour qu'on puisse voir le fond. D'ailleurs, on tourne légèrement. Vous avez vu cette pente? C'est effrayant. Ça dégringole, hein? Est-ce qu'on peut piquer du nez un poil de plus? Les poissons docteur verts, là. Les beaux poissons docteur verts et noirs. Bon, alors? Alors, vous voyez la vermine de petits poissons? Oui. Rouge, bleu. Centaines et des centaines. Allez, maintenant, il faut aller plus profond. Oh, les belles gorgones! Oh, c'est beau. C'est fou, hein? C'est incroyable. Moi, je n'ai jamais eu autant aussi profond. Hein. Ah, non. Il y a un côté Jules Verne dans cette aventure qu'ils ont vécue avec l'équipe Cousteau. Vous écoutez ça avec énormément d'attention, Laurent Balesta. Vous auriez aimé en être? Oh, mais évidemment, tellement. Je rêvais d'être plongeur de la Calypso. Et je me souviens d'ailleurs d'une pensée extrêmement égoïste. J'avais 18 ans quand le commandant est mort. Et ma première réaction, ça n'a pas été de la tristesse, je ne le connaissais pas personnellement, mais je me suis dit, merde, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, c'était un peu... Alors, vous avez trouvé quoi faire. Alors, la station, vous, on l'a compris, la station dans laquelle vous avez vécu pendant ces 28 jours, elle était sur une barge, mais comme la pression à l'intérieur était 13 fois supérieure à la pression de l'atmosphère extérieure, vous ne pouviez pas sortir. Il y avait, de toute façon, entre l'intérieur et l'extérieur... 3 jours d'inertie. Même 4. Si on avait ouvert instantanément la porte, qu'est-ce qui se serait passé? Il faut même pas imaginer ça. C'est un film d'horreur si on fait ça. Vous explosez. Ah, on explose littéralement. Vous mettez à bouillir. Le sang se met à buller. C'est la bouteille de champagne que tu as secouée et sabrée. Voilà. Mais alors, et il se passe ça sur tout le corps. Mais alors, si on imagine ça, quand on est à l'intérieur de cette capsule, déjà, on espère que vraiment tous les joints ont bien été vérifiés. Il y a des fuites tout le temps. Il y a tout le temps des fuites. C'est vrai, mais vous me dites ça avec le sourire, c'était risqué alors. On avait une équipe hyper compétente, mais un peu à l'image, vous savez, les équipages russes. C'est-à-dire, le matériel fait un peu peur, mais les gars, c'est du solide. D'accord. Mais voilà, c'était un peu ça. Ouais. En tête de cortège, Théo Mavrostomos, l'homme le plus profond du monde, celui qui, avec Henri Germain Delos de la Comex, a fait cette expérience où il a vécu de manière expérimentale, mais n'empêche, à 701 mètres de profondeur. Donc, on est des petits joueurs, nous, avec nos 120 mètres. Voilà, c'était des gens comme ça qui étaient derrière aux manettes. Donc, quand ces gars-là te disent, il y a une fuite, mais t'inquiète pas, eh ben, moi, je m'inquiète pas. Ouais. Mais alors, bon, là, vous le dites avec beaucoup d'humour, mais à aucun moment on se sent... c'est le summum de la claustrophobie, c'est-à-dire qu'on est dans ce caisson et on sait que quoi qu'il arrive, si jamais quelqu'un a un problème de santé, à la moindre crise, on est à 3 jours de l'extérieur. Ouais. Pourtant, il n'y a que 4 cm d'acier, qui est même pas à quelques centimètres d'acier. Mais comment on le vit psychologiquement, ça? Bah, il faut s'y préparer un peu, il faut mettre dans la balance l'envie de le faire par rapport aux contraintes et aux angoisses que ça engendre. Si l'envie, la curiosité sont supérieures, bah, c'est acceptable. Je crois que ça se joue que là-dessus. Est-ce que ça a du sens de se mettre dans ces difficultés-là, dans ces contraintes-là, dans ces risques potentiels? Oui, ça a du sens. Alors, c'est acceptable. Je le ferai pas pour rien. Voilà, les expériences d'isolement dans des grottes pour savoir ce que ça fait, jamais de ma vie je fais ça. Mais là, ça a du sens d'accepter ce confinement. On le vit pas tous de la même manière. Hein. Moi, je l'ai plutôt bien vécu. À deux titres. D'abord, j'ai peut-être une nature un peu plus casanière. Du moment que j'ai tous mes livres avec moi, je lis. Bon, je sais que je suis capable de rester une journée entière chez moi sans sortir. Voilà. Yannick, un des 4 plongeurs, Yannick, c'est pas du tout ça. J'aime à dire que quand on va chez lui, même quand il est chez lui, il est pas chez lui. Il est en dehors de chez lui. Il est dans son jardin. Il est dans un arbre en train de fouiller un truc au bord de sa rivière. Il est jamais chez lui. Je sais qu'Yannick a beaucoup plus souffert de cet enfermement. Et il a tout de même accepté d'embarquer. Mais oui, parce que je pense qu'il a quand même il a une intuition de la nature, ce gars-là. Et donc, il savait qu'on allait vivre quelque chose de, quand même, qui avait un privilège à la clé. Alors, vous étiez en permanence dans cette petite capsule confinée, en permanence filmée par 17 caméras. D'ailleurs, il faudrait parfois ne pas les oublier. C'est quand même risqué, parce qu'il y a quand même la douche. Oui, vous étiez là, les toilettes. Il ne nous épargne rien. On doit être en permanence surveillé, même dans les moments les plus intimes. Alors, le but, c'était pas ça. Hein. C'était pas de vous observer dans les moments les plus intimes, mais c'était de suivre aussi. Déjà, il y a un film qui sortira sur Arte dans un peu plus d'un an. Et puis, c'était aussi de voir psychologiquement comment vous viviez cette promiscuité, cet enfermement. Est-ce qu'il y a des comportements qui se sont révélés devant les caméras? Je crois que je vais les découvrir en regardant le film. Parce qu'à un moment donné, on n'est plus maître de, tout à fait de sa façon d'être. On oublie qu'il y a toutes ces caméras. Je sais qu'il y a eu des moments où l'équipe en surface était fascinée par nos agissements qui étaient pour nous inconscients. Je dénoncerai personne, mais son prénom c'est Thibaut et il a été surpris à passer, je crois, plusieurs heures devant la même page de sa bande dessinée, à la regarder fixement. Alors je sais pas où il était dans sa tête à ce moment-là, mais la légende dit qu'il a pas tourné la page pendant plusieurs heures d'une bande dessinée comme ça. On a eu des moments un peu bizarres, c'est sûr, mais je crois que j'avais choisi ces trois gars. C'est Nicolas Hulot dans les expéditions d'Ushuaïa qui me disait souvent ça. Il me disait le premier critère, c'est pas les compétences. Quand on part comme ça. Ben là, a fortiori, dans ce truc enfermé, le premier critère, c'est autre chose. C'est le caractère, c'est le vivre ensemble, c'est trouver un dosage délicat entre le fait d'être bienveillant les uns avec les autres, mais ne pas être avenant. Pas être tout le temps à vouloir quand même faire les choses pour les autres. C'est très chiant, hein, en vérité, quand quelqu'un fait des trucs pour toi. Tu vois, c'est juste mieux être attentif au moindre problème sans être attentionné. Tu vois, tiens, je t'ai découpé ta pomme ou ton... Non, tu me découpes pas ma pomme, je le fais. Tu vois, voilà. C'est délicat, c'est un juste milieu à trouver. Mais bon, après, là, j'essaie de faire des phrases, mais c'est des amis, point. Oui, voilà. C'est surtout ça, c'est ce que j'ai entendu. En fait, vous savez comment vous fonctionnez, vous savez quand il faut vous laisser tranquille. Oui, mais avec cette... les amis, c'est quelque chose de précis pour moi. C'est quelqu'un que tu connais très, très, très bien et que tu aimes quand même. Voilà. Et ben, à la fin... Je les aime quand même. Ils vont apprécier cette déclaration sur France Inter. Vous allez nous raconter dans un instant, Laurent Balesta, comment s'est passé le retour sur la terre ferme et à l'air libre après ces 28 jours passés dans votre station spatiale avec vos amis. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, I'd go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt, my C'était Beyond the Sea de George Benson sur France Inter dans Du vent dans les synapses. La programmation musicale est signée Muriel Pérez. Et nous continuons notre exploration de la Méditerranée avec le plongeur Laurent Balesta. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Je peux parler fort dans le micro parce que dans le micro, ça réveille pas les autres. Ben voilà, la mission touche à sa fin puisque... nous avons entamé la dernière phase de décompression qui va durer 50, presque 3 jours, 2 jours et demi. Voilà, donc ça touche à la fin. Donc la décompression, c'est tout simple, hein, il baisse la pression très progressivement, à peu près 1 mètre par heure. Voilà. Laurent Balesta, les 28 jours passés dans votre station spatiale se sont terminés par 3 jours de décompression. C'était le prix à payer, vous le saviez en entrant. Ça se passe comment ? Ouais, vous connaissiez la facture. Ça se passe... Bon, on était quand même bien épuisés à ce moment-là, donc les premières 24 heures, on dort beaucoup. Et puis après, on commence à s'ennuyer ferme, hein, quand même, parce que là, on n'est même plus fatigué. Et il faut juste attendre. Et puis là, on est pressé de sortir. Il n'y a plus de plongée à la clé de la tente. Donc là, les derniers jours sont vraiment pénibles, bien sûr. Et alors, quand on sort, quand enfin la porte s'ouvre, quand vous êtes réacclimaté... Ça, c'est très bizarre, hein, parce que je ne sais pas si c'est des banalités, mais on était isolés, on est coupé de tout. on est dans... Il y a quand même un vide d'informations, on ne reçoit plus rien. Enfin, en plus, moi, j'avais fait l'effort de me dire je veux vivre ce truc pleinement, donc j'avais coupé toute connexion, tous réseaux sociaux, tous ces trucs-là. Et donc, on n'est plus stimulé par rien. Et bien, paradoxalement, ce vide-là, il vous re-remplit de sensibilité. Alors, peut-être même de sensiblerie, des fois. J'avoue, c'était un peu grotesque, on pleurait pour n'importe quoi quand on est sorti. Mais c'était ça. J'ai rarement été submergé par l'émotion des retrouvailles. Enfin, je ne vais pas raconter de ma vie privée, mais j'ai un bébé depuis peu et elle avait la moitié de son âge quand je l'ai quittée. Ouais. Elle avait un mois quand vous êtes rentré dans la station, quand vous êtes ressorti, elle avait doublé. Et en plus, avec mon épouse, on s'était dit non, on coupe les ponts pendant un mois. On ne se parle pas, je ne veux pas de nouvelles, rien. Parce que ça va être trop dur, trop émouvant, et moi il faut que je sois que je me concentre et je veux pas savoir quoi. Alors du coup les retrouvailles ont été vraiment vraiment émouvantes quoi. Mais c'était vraiment sympa. C'était pas une arrivée d'une. Enfin je rêverais d'être un vainqueur d'une course au large. Il n'y avait pas cette gloire du vainqueur d'une course. Non là il y avait pas de compétiteur. Donc c'était juste de la joie de retrouver les proches, de pouvoir commencer à raconter. C'était vraiment un beau moment. Et surtout, voilà, il y avait cette sensibilité à fleur de peau, sans doute liée à l'isolement, à l'absence de stimulation pendant ces 28 jours. Et puis, il y a aussi, alors je ne sais pas si c'était le but, mais ce message, c'est-à-dire que cette mer méditerranée qu'on dit moribonde, que certains, dont le commandant Cousteau, ont dit morte en 1972, vous êtes ressorti de là en nous disant « il y a encore des choses à sauver ». Oui, alors il faut pas se tromper sur le message. Il faudrait surtout pas que, à l'issue de cette expédition ou du film qui va venir et du livre que je ferai, qu'on se dise que ah ben tout va bien. Ah non, parce que là on se plante complètement. Mm-hmm. Ça va super mal. Que les choses soient claires, la Méditerranée se meurt. Elle est ultra blessée. Elle est attaquée de toutes parts. Et puis que cette mer fermée, il y a plusieurs millénaires qu'on la néglige finalement. Donc elle est en sale état. Mais moi, comme je disais, je suis pas objectif dans mon approche de la Méditerranée. Je suis un amoureux de la Méditerranée. Je veux voir que sa beauté. Je suis allé que de sites merveilleux en sites merveilleux. Mais ces sites, faut le reconnaître, c'est un peu des oasis dans le désert. Voilà. Alors, peut-être que j'exagère, mais voilà, il faut pas négliger que non, ça va mal. Par contre, elle est pas morte. Elle est pas morte. Preuve à la clé, en images, en données scientifiques, elle est pas morte. Donc, on ne peut pas baisser les bras tout de suite. Un dernier mot, Laurent Balesta. Vous avez testé ce dispositif, c'était une première mondiale. Ça fonctionne, ça vous a permis de faire des superbes plongées. Il y en aura d'autres, de ces plongées en station batiale. Le dernier jour, le dernier repas à l'intérieur, Yannick, qui est celui qui a le plus mal vécu l'enfermement, c'est lui qui a mis ça sur la table. Tout à coup, au milieu du repas, il lance... En tout cas, si on le refait, il faudrait peut-être qu'on améliore le confort de ça, la difficulté... Je me dis, ça y est, il y est déjà. Même lui, il veut recommencer. Alors, voilà. Donc oui, j'espère qu'on va recommencer. J'aimerais qu'on retourne explorer certains endroits en particulier, y rester plus longtemps. Et puis le rêve absolu, c'est de partir loin ailleurs dans le monde. Imaginez si on retournait aller voir le Sélakant en Afrique du Sud avec cette méthode-là. Ce vieux poisson qu'on croyait disparu et que vous avez photographié pour la première fois il y a une dizaine d'années. On a fait des observations incroyables en faisant des plongées de 10-20 minutes avec lui. Si tout à coup, on passait une journée entière avec le Sélakant. Alors là, faudra venir nous le raconter en tout cas. Merci Laurent Balesta. Il va falloir attendre combien de temps pour pouvoir voir ce film qui a été tourné sur place, qui sera diffusé sur Arte. À mon avis, Arte va vouloir le passer fin mai, début juin. Et comme à chaque fois, nous on va dire non, c'est trop tôt, on veut encore le peaufiner. Et puis, je sais pas qui a le dernier mot. On surveillera. Alors un grand merci à vous d'être venu de Montpellier pour la première de cette nouvelle émission du Vent dans les Synapses. Merci Laurent. C'est un plaisir.